Aujourd'hui est le 8 juillet 2024 et on continuera à écouter l'enseignement à propos de la méditation assise en connexion avec le soulèvement et abaissement de l'abdomen. Tous les êtres qui ont des poumons ont besoin de respirer pour vivre. Ils doivent inspirer, mais ils ne peuvent pas garder l'air en eux. Donc, ils doivent expirer. Il doit faire les deux. L'air entre dans le corps à travers les narines. Donc, si vous voulez connaître l'air, vous devez porter votre attention sur les narines. Vous devez porter votre attention sur les narines pour connaître cet air. L'air entre dans le corps à travers les narines. Et pour connaître cette inspiration, on doit porter notre attention sur les narines. L'expiration aussi sort par les narines. Les gens qui ont des nez longs doivent placer leur attention aux narines pour connaître cette inspiration et expiration. Mais les gens qui ont des nez petits devraient porter leur attention sur la lèvre supérieure. Ici est où l'air de l'inspiration et expiration frotte cette surface. Et donc, on met notre attention ici pour connaître notre inspiration et notre expiration. Ainsi, l'inspiration et l'expiration existent et on ne peut pas ne pas respirer. Il y a l'intention d'inspirer et du coup, l'air rentre dans le corps et on ne peut pas la retenir à l'intérieur du corps. Ça deviendrait gênant. Donc, il y a l'intention d'expirer. Et l'expiration suit. Donc, est évident que l'inspiration et l'expiration ont lieu à cause de l'intention d'inspirer et de l'intention d'expirer. À cause de cette intention, l'air rentre et sort. Du coup, si vous voulez connaître l'inspiration et l'expiration, vous devez porter votre attention sur les narines ou sur la lèvre supérieure. L'air du soulèvement et abaissement de l'abdomen n'est pas l'air de l'inspiration et l'expiration. Elles sont différentes. L'air de l'inspiration et expiration et l'air de mouvement abdominal, le soulèvement et abaissement, ne sont pas le même air, mais ils n'existent pas l'un sans l'autre, car est à cause de l'inspiration que l'abdomen se soulève et est à cause de l'expiration si l'abdomen s'abaisse. Mais ces deux types d'air ne sont pas le même. Si on expire, alors l'air qui a été inspiré sort du corps et l'abdomen s'abaisse en conséquence. Donc, sont deux choses différentes. Mais à cause de l'inspiration, il y a de l'air qui rentre dans le corps et donc il y a de l'air dans l'abdomen qui bouge. Le Bouddha n'a pas dit explicitement d'observer le soulèvement et abaissement de l'abdomen, mais cet air dans l'abdomen est un type d'air dans le corps, n'est pas l'air que, par exemple, on a dans l'intestin. L'air dans l'abdomen est un de six types d'air dans le corps qui sont décrits dans les Écritures. Et vu qu'il s'agit d'air, ça est un élément matériel. Et la matérialité est la vérité de la souffrance, dukkha saccha. Tout type de vrai phénomène mental, nama, est aussi dukkha, la vérité de la souffrance. La vraie matérialité est classifiée comme vérité de la souffrance. Et le Bouddha a dit dukkham parinyaya. La souffrance doit être discernée et connue. Le Bouddha a dit que la vérité de la souffrance est d'être observée. L'air dans l'abdomen, quand l'abdomen se soulève à cause de l'inspiration, ça est de la matérialité qui doit être reconnue. Quand l'abdomen s'abaisse à cause de l'expiration, ça est aussi de la matérialité, le vrai élément air. Le yogi doit comprendre que ça doit être observé afin d'être connu. Ça est quelque chose qui doit être observé. Peut-être que quelqu'un pense, le soulèvement et l'abaissement n'est pas mentionné dans les Écritures. Et ça est un enseignement qui exprime quelque chose qui n'est pas décrit dans les Écritures bouddhistes. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur ça, Sayadaw explique que le mouvement de l'abdomen est causé par un des 6 types d'air qui sont décrits dans les Écritures. Que l'air dans l'abdomen n'est pas l'air dans l'intestin ou dans l'estomac, etc. Donc Sayadaw explique ça pour qu'il n'y ait pas de doute. Toutes les fois que l'abdomen se soulève et s'abaisse, il y a de la tension ou de la raideur et du mouvement. Ça sont les qualités de l'élément air et elles apparaissent à l'abdomen. Donc, afin d'observer ces phénomènes, on doit porter notre attention sur l'abdomen pour attendre son apparition. Comme quand on a le devoir d'accueillir un invité important, on doit se rendre à l'endroit où l'invité est censé arriver pour accomplir la tâche d'accueillir ce visiteur. Le soulèvement et abaissement est comme un invité, le soulèvement de l'abdomen qui a lieu en connexion avec l'inspiration est comme un invité. L'abaissement de l'abdomen qui a lieu en connexion avec l'expiration est aussi comme un invité. Et on doit attendre à l'endroit où l'invité va arriver. On doit faire l'effort énergique afin d'arriver à cet endroit et attendre l'invité. Cet endroit est l'abdomen. Donc, seulement si on attend à l'endroit où l'invité doit arriver, qu'on pourra le voir et être capable de l'accueillir. Et de la même façon, on doit attendre à l'abdomen pour voir apparaître l'inspiration. Et quand l'inspiration commence, du tout debout jusqu'à la fin, on doit être là pour observer et noter soulever. Le même avec l'abaissement. On doit être là pour le voir quand il commence, à partir du premier petit mouvement de l'abdomen, en gardant notre attention jusqu'à la fin, et en notant abaissement. Au début de la pratique, seulement si on note, sera facile pour la concentration, samadhi, de surgir. Et comme des enfants qui lisent à voix haute quand ils commencent à apprendre à lire, ils disent les lettres et les mots à voix haute. Les yogis doivent faire la même chose. On ne peut pas seulement observer avec l'esprit. On ne peut pas seulement regarder l'objet. Au début, comme les enfants qui apprennent à lire, on doit seulement noter. Et certains ont besoin aussi de le faire à voix haute. Comme certains yogis ont besoin de noter à voix haute, et c'est l'enseignant à leur demander ça, l'enseignant leur demande aussi de noter mentalement quand l'objet apparaît. Donc, chaque soulèvement-abaissement, pour être là, on doit porter notre attention à l'avance sur l'abdomen. Ça nécessite de l'énergie. On doit mettre de l'énergie et viser, cibler l'objet, afin de voir les mouvements graduels de l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse pendant qu'il se produit. Si on n'est pas prêt à observer, si on ne met pas de l'énergie pour observer le phénomène de soulèvement et abaissement, si on n'arrive pas à cibler avec l'esprit pour se connecter au soulèvement et se connecter à l'abaissement précisément, alors on ne sera pas capable d'observer. C'est seulement quand on met de l'énergie et on cible avec l'esprit pour se connecter à l'objet qu'on pourra se connecter avec les moments du soulèvement. Et seulement si on met de l'énergie et on cible, on sera capable de se connecter avec le mouvement d'abaissement. Est nécessaire de développer l'habitude ou la pratique à faire ça et appliquer l'énergie et à cibler avec l'esprit. À cause de l'inspiration aux narines, il y a du mouvement de l'air dans l'abdomen. Cet air qui est raide, tendu et en mouvement ou molle, Ça est appelé Vayodhatu, l'élément air. Et vu qu'il est aussi quelque chose qui est tangible, est appelé Potaba. Donc est appelé Vayopotabadhatu, l'élément air tangible. Ça a lieu en connexion avec l'inspiration et l'expiration et s'est répandre dans tout l'abdomen. Cet air s'est répandre dans l'abdomen. L'abdomen est parti de la base corporelle, du niveau corporel, et l'élément récepteur du corps. L'air de l'abdomen qui a lieu à cause de l'inspiration, elle frappe cette base corporelle et il y a la connaissance de la raideur, de la tension, de la solidité. Il y a du mouvement. Ça est la conscience du toucher. Il y a la connaissance du toucher. À cause du contact entre l'objet tangible, Vayopotabadhatu, et l'esprit, ce toucher a lieu. Même si la sensation n'est pas assez évidente en ces moments, même si la sensation n'est pas assez évidente en ces moments d'observation de l'inspiration et expiration, il y a une sensation très subtile. Par exemple, parfois, quand il est difficile de respirer, on ne se sent pas confortable. Ou quand on respire de l'air frais, il y a une bonne sensation. Ces sensations confortables ou gênantes peuvent devenir très évidentes. Au moment de l'inspiration, il y a le contact entre l'élément air tangible et l'esprit qui a lieu au niveau physique. Donc, il y a trois choses qui se passent comme une étincelle. Le premier, c'est la connaissance du toucher. Puis, il y a le contact entre l'élément tangible et l'esprit. Et enfin, la sensation agréable ou désagréable. Au moment de ces inspirations et expirations, il y a la base qui est le récepteur physique. Il y a l'élément air qui est l'élément qui frappe contre la base. Et à cause de ça, il y a une étincelle mentale. Ça est ce qui se passe comme conséquence de l'observation de soulèvement et abaissement. Si on veut connaître ça, on observe le soulèvement et abaissement. La base physique et l'élément qui frappe sont tous les deux des éléments physiques, rupa. Et l'étincelle, qui est la conscience qui connaît le toucher, le contact entre l'esprit et l'élément physique et la sensation, agréable ou désagréable, tout ça sont des phénomènes mentaux. On ne peut pas nier que la base, la frappe et l'étincelle existent. C'est indéniable. Et si on examine nous-mêmes dans les processus d'inspiration et expiration, on connaît ça. La base et l'élément qui frappe sont des éléments physiques. Et l'étincelle de la connaissance du toucher et de la sensation, ça est mental. Donc il y a ces deux choses au moment de l'inspiration et du soulèvement et de l'abaissement. Ces deux choses qui sont appelées en pali nama et rupa. Et si on veut les connaître, on doit mettre de l'énergie et viser l'objet avec l'esprit, de façon qu'il est bien focalisé quand l'objet apparaît. Au moment où le soulèvement apparaît, appliquez l'énergie et ciblez avec l'esprit pour vous focaliser sur l'objet. Vous devez faire ça au moment de son apparition, pas avant. Vous ne pouvez pas l'observer avant qu'il apparaît et pas non plus après sa disparition. Mais au moment même où l'objet commence à apparaître, vous devez mettre l'énergie mentale afin que l'esprit puisse arriver au phénomène au moment de son apparition. Et vous le devez viser avec l'esprit afin qu'il puisse y arriver directement. Viser, cibler avec l'esprit et appeler Vitaka en pali. Pour que l'esprit puisse arriver au mouvement chaque fois qu'il apparaît, on doit viser l'objet et mettre de l'énergie. Et la même chose avec l'abaissement. Si on veut que l'esprit y arrive au moment de son apparition, on doit mettre de l'effort et cibler l'objet. Si vous faites ça beaucoup de fois, alors surgira sati, l'attention. Quand l'esprit reste collé au mouvement des soulèvements et abaissements, alors sati apparaît et la concentration fait son apparition sur l'objet à chaque instant. Donc sati et samadhi ont lieu ensemble et ont lieu naturellement. On ne doit pas délibérément faire en soi que ces deux éléments apparaissent. On doit simplement mettre de l'énergie pour observer l'objet et cibler correctement avec l'esprit pour qu'il puisse arriver directement sur l'objet précisément. Ça est le travail du yogi, faire ces deux choses, mettre de l'effort et viser avec l'esprit. Donc vous visez une fois et peut-être vous êtes capable de vous connecter précisément avec l'objet. Parfois vous êtes capable de viser et de vous connecter précisément 3 fois. Parfois vous serez capable de le faire 4 fois ou parfois pendant 1 minute. On doit considérer comment est l'esprit en ce moment. Même avant que la connaissance apparaisse, il n'y a plus de désir ou avidité, lobha. Il n'y a plus d'insatisfaction ou colère, dosa. Ça est simplement l'esprit pur du méditant, la conscience bhavana qui apparaît. Et ça est le support que les yogis ont au début de la pratique. Chaque fois qu'il y a l'inspiration et chaque fois qu'il y a l'expiration, les soulèvements et l'abaissement ont lieu aussi. Mais il y a des fois où on ne les reconnaît pas. Donc on doit essayer d'observer et on doit essayer de faire les observations qu'on peut noter consécutivement l'une après l'autre. Quand une note et une autre sont contiguës, quand les notes mentales sont l'une après l'autre, elles deviennent inébranlables et fermes. Les choses qui sont faibles individuellement, comme une petite note mentale qui n'est pas forte toute seule, mais quand elles sont connectées ensemble, comme un continuum des notes, alors elles deviennent puissantes. Quand l'esprit est capable d'observer le soulèvement et l'abaissement encore et encore, il devient très puissant. Quand on note avec une attention inébranlable, l'esprit devient très ferme. Quand vous allez à l'entretien avec Sayado, vous devriez reporter si quand vous observez le soulèvement et l'abaissement, vous pouvez le faire avec effort mental et en visant l'objet afin que l'esprit colle au soulèvement ou pas. Pouvez-vous l'observer ou pas? Et vous devriez reporter très simplement et sincèrement ce qui se passe vraiment. Pouvez-vous observer ou pas? Et si vous êtes capable d'observer avec effort et en visant l'objet pour y coller l'esprit, vous devez le reporter. S'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de ciblage, vous ne devez pas dire qu'il y en a. Vous devez simplement essayer de reporter de façon directe ce qui se passe, comme vous pratiquez. Chaque fois qu'il y a une inspiration, chaque fois qu'il y a une expiration, le soulèvement et l'abaissement a lieu. Ça se passe tout seul. Il n'y a rien que le yogi doit faire pour que le soulèvement ou l'abaissement se produise. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde est simplement d'observer chaque fois. Dès que l'objet apparaît, pouvez-vous les suivre de près ou pas? Afin d'avoir l'habileté de suivre l'objet de près, vous devez être méticuleux concernant la pratique. Si vous pouvez observer le soulèvement et l'abaissement, qu'est-ce que vous observez? Est-il l'abdomen lui-même ou la façon dont il se soulève ou s'abaisse? Est-elle la façon dont il se dilate? Ou est-ce qu'il devient rigide? Est-ce qu'il bouge? Qu'est-ce que vous observez? Quoi qu'il soit, vous devez le reporter. Quand vous notez l'abaissement, vous observez la façon dont l'abdomen s'abaisse, ou vous observez s'il devient chaud et il s'abaisse, ou est-ce qu'il devient froid, est-ce qu'il est détendu, etc. Vous devez simplement reporter ce que vous observez. Si quand l'abdomen se soulève et vous ne savez pas ce qui se passe, alors vous devriez essayer de développer l'habileté de savoir ce qui se passe en appliquant l'effort et en visant l'objet, comme Sayado a expliqué. Et quand le travail que vous faites est clair, alors l'explication que vous en donnerez sera aussi claire. Il y a trois façons de connaître: Santana, Akara, Sabhava. Quand vous observez le soulèvement et l'abaissement, connaissez-vous l'estomac ou sa forme? Ça est appelé Santana, la forme de l'objet. Parfois, on sait si l'abdomen devient grand ou petit. Ça est connaître la manière, la façon de faire de l'objet. Il se remplit ou il se vide. Ça est Akara. Après, il y a la vraie nature, Sabhava. Quand vous observez l'abdomen qui se gonfle et se vide, ça est le niveau moyen de connaissance. Qualité comme la rigidité, la tension ou si l'abdomen est détendu, ça est Sabhava, la vraie nature. Ça sont trois façons différentes d'observer. Quand vous pratiquez la méditation assise ou la marche, vous devez connaître une de ces trois choses, soit la forme, soit la manière, soit les qualités spécifiques. Si vous pouvez noter, alors vous observez l'une de ces trois façons. Si vous ne pouvez pas noter l'objet, alors veut dire que l'esprit vagabonde ailleurs. Et si l'esprit vagabonde ailleurs, vous l'avez remarqué? Vous savez que l'esprit vagabonde? Vous devrez essayer de le savoir. Quand vous êtes assis pendant longtemps, il y a des douleurs et des désagréments qui apparaissent dans le corps. Si vous ne pouvez pas maintenir l'observation du soulèvement et abaissement, donc vous allez noter la douleur. Qu'est-ce qui se passe quand vous notez la douleur? Est-ce qu'il reste le même? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il s'arrête? Concernant la douleur, vous devez observer ce qui se passe et le reporter. Est-ce qu'elle augmente, elle diminue, elle disparaît? Parfois, vous ratez une note. Alors l'avidité apparaît ou la colère. Si ça se passe, l'avez-vous noté? Vous devez le reporter. Ça est le travail du yogi. Quand Vedana, les sensations, apparaît, vous devez observer une de ces trois choses comme Sayado a dit, par rapport à l'esprit aussi. Seulement quand on arrive à connaître une de ces trois choses, donc la forme, la manière ou les qualités spécifiques, il y aura les fruits des graines de Vipassana. Si vous pouvez noter, alors la concentration surgit et vous êtes en train de créer les graines de la réussite de la pratique Vipassana. Si vous n'arrivez pas à noter, alors la concentration ne surgira pas et il n'y aura pas de graines de Vipassana. Puissiez-vous être capable d'observer l'objet avec énergie et en le visant pour arriver à connaître les phénomènes afin de créer les graines de la réussite de la pratique vipassana. Sadhu, sadhu, sadhu.